Ouais, salut Thanos, écoute, je t'appelle parce que tu es toujours de bons conseils. Et en fait, on a un problème dans la communauté de jeux de rôle, c'est que il n'y a que 18% y a que 18% de filles. T'aurais une solution? Tu es 50% des garçons? Ouais, quand tu feras ton plan, tu me diras. Tu penseras qu'on est quand même copains, hein? D'accord? Alors, Victor et moi, on va vous dire. Monsieur, madame, personne. Mon binaire. Salut sur cette nouvelle vidéo. Tu vois, aujourd'hui, on a fait venir des Playmobil. Ben, pourquoi? Parce que. On va te parler, eh bien, que les Playmobil, c'est mieux que le jeu de rôle, tu vois. Franchement, bah, de toute façon, c'est même un ancien président de la FFJDR qui le dit. Les Playmobil, c'est même l'essence du jeu de rôle. Voilà, c'est de là dont vient notre hobby. Alors, plus exactement, en fait, si je me dis, c'est parce on va parler de comment écrire un bon background. Non, comment bien jouer son personnage en jeu de rôle. Victor, est-ce que t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien jouer son personnage de jeu de rôle? Tu dirais quoi? D'abord réfléchir avant de faire ça, Faire faire sa son fiche de perf. action. D'accord, ouais, pour pas faire de bêtises. T'as d'autres conseils? Oui. Non, bah c'est bien. Bah, tu sais quoi, je t'avais déjà posé la question une fois et tu m'avais dit qu'il fallait réfléchir, décoder, essayer et résoudre des énigmes. Voilà, déjà j'ai des archives. Bon alors, bah, d'abord c'est quoi jouer un personnage? En fait c'est multidimensionnel, hein. Donc il y a un aspect d'abord roleplay et le roleplay lui-même on peut le découper. Il y a un côté tu dois jouer un script. T'as une feuille de personnage, des directives que tu dois un petit peu appliquer, quoi. Et puis, un côté appropriation. Tu fais le personnage, tiens, tu vas combler les vides et tout. Donc, c'est un peu le côté roleplay théâtral. Alors, ça, on va en parler dans une autre vidéo. T'as le côté règles, c'est-à-dire que tu vas devoir apprendre à connaître les règles, éventuellement à optimiser. T'as le côté astuce dans les jeux de rôle tactique, donc effectivement, bien réfléchir avant de faire des actions pour pas faire de bêtises, tomber dans les pièges et tout. Et puis, il y a le côté description, ça c'est un peu le versant indirect du roleplay, c'est qu'interpréter son personnage, c'est pas uniquement faire les dialogues du personnage, c'est décrire le personnage dans toutes ses dimensions, peut-être même parler de choses qu'on n'est pas censé voir, genre la vie intérieure du personnage, ses émotions, même s'il les cache et tout, tu peux en parler de son passé. Et tu vas aussi parler de son entourage, donc son historique, ses proches, les liens qu'il a avec les PJ, les PNJ, et puis également les lieux fétiches qu'il aime fréquenter. Par exemple, voir quel est le lieu fétiche que tu aimes fréquenter, hein? Victor, tu peux me faire la traduction en humain? Quel est le lieu fétiche que Boba aime fréquenter? Limite, Les maisons. Oui, bah, hein, en fait, à question stupide, réponse, Katine. Alors, moi, je vais te donner d'autres conseils, en fait. Tu vas avoir déjà le choix, en fait, un petit peu entre poncer une formule, c'est toujours le même type de personnage que tu vas perfectionner au fur et à mesure des parties. C'est pas forcément le même, puis tu vois, mais grosso modo, toujours le même concept, genre. Moi j'ai entendu parler d'un gars qui jouait toujours des nains chevaucheurs de sangliers. Quel que soit le monde, l'univers, la campagne, il jouait toujours un nain chevaucheur de sangliers. Et ou alors tu peux choisir de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire bah, du coup essayer d'interpréter des personnages dont tu n'as pas l'habitude. Surtout rappelle-toi que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Donc, ton personnage doit penser à l'intégrer dans une dynamique de groupe, et une dynamique de groupe bah, qui convienne à tout le monde. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à penser que la meilleure façon, les liens les plus intéressants entre les personnages, c'est des liens un peu conflictuels. Mais du coup, on peut vite tourner au PVP. Et le PVP, il y a des tables qui adorent ça, mais il y a aussi des tables qui n'aiment pas ça. Et donc ça, quand tu te lances dans le PVP, évidemment, bah, tâtes un peu le terrain et demande l'avis des uns et des autres. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est le « Oh, mais tu comprends, je joue mon personnage et tout. » Le roleplay théâtral, la cohérence à ton background de personnage ne justifiera jamais que tu casses les pieds de tout le monde. Donc, il y a un moment, il faut être capable, si tu veux, de tordre un petit peu ton personnage bah, pour que tout le monde s'amuse et que ton personnage ne soit juste pas une épine dans le pied du reste du groupe ou du musée. Ah, tu veux que je t'ouvre ta clémentine ? Hop, une clémentine ouverte. Bon, en fait, c'est des super clémentines. On peut se décapsuler comme des canettes de coca. C'est vraiment très pratique. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin d'outils. Et d'ailleurs, c'est le sponsor de cette vidéo. Alors, il y a une façon de jouer qui paraît vraiment intéressante quand justement tu as un but de bien jouer ton personnage. C'est ce qu'on appelle le jouer au service ou le play to lift dans la langue de Lil Nas X. Le play to lift, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça, on appelle ça aussi jouer pour soulever. En fait, l'idée, c'est que ton personnage, il est un outil pour mettre en valeur les personnages des autres, mais éventuellement pour mettre aussi en valeur l'intrigue du MJ. Donc voilà, ça, c'est une façon de jouer, je pense, qui fait un peu plaisir à tout le monde, quoi. Mais en règle générale, surtout, il faut que tu sois souple et solide à la fois. C'est notamment pour des raisons de sécurité émotionnelle, on l'a évoqué dans le cas du PVP et tout. Donc, que ce soit pour respecter la sécurité émotionnelle ou pour jouer pour valoriser les autres, ton personnage est un outil, il doit être un peu élastique pour s'adapter aux besoins de la table. Blonde. Néanmoins, c'est important de nuancer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même que tu définisses sa personnalité, je pense que ton personnage, il doit avoir du corps. Et c'est pas uniquement, si tu veux, enfin, ça ne doit pas être une carpette, en fait, tu vois, sur laquelle tous les autres personnages peuvent s'essuyer les pieds. D'ailleurs, en plus, on peut jouer au service en ayant des réactions négatives par rapport, genre, un personnage essaie de me séduire. Alors oui, je peux jouer au service en mode, bah, ok, il n'y a pas de souci, je suis séduit tout de suite. Ou au contraire, je peux jouer au service en mettant en valeur cette proposition, mais en lui mettant un vent historique et tout, ou en mettant en place des quiproquos, bien sûr, bon, voilà, sans être loup, mais de toute façon, même ton personnage ne doit pas être uniquement au service des autres, parce que je pense que ce qui marque une table, ce que les gens vont se rappeler aussi, c'est que tu as fait un personnage qui était mémorable, qui avait une personnalité par lui-même. Ça fait plaisir du jeu, ça fait partie des bons souvenirs qu'on a. C'est que les autres ont joué des personnages cool qui nous ont marqués. Donc voilà, ton personnage, même si tu joues au service, il doit avoir une personnalité, une vie propre, des objectifs propres, des enjeux. Même si, évidemment, tu vas les adapter au scénario ou au contrat de table. Alors, il faut penser à apporter de la profondeur à ton personnage. Ça peut être parce qu'il a un concept phare, ça peut être parce qu'une petite anecdote de rien du tout, du genre, bah, en fait, je suis pourchassé dans toutes les villes parce que je vole des bouteilles de parfum, quoi. Et ça m'attire des ennuis parce que je suis kleptomane des bouteilles de parfum. Ou alors, ça peut être un background profond. Alors, on fera une vidéo hein, sur les backgrounds de personnages, donc stay tuned. Est-ce que tu te rappelles de ta vie de chaton, hein, Donjon et Chaton, Victor ? Tu peux nous parler de ta vie de chaton ? Qu'est-ce qu'il a fait, ton chaton, avant d'être aventurier ? Tu te rappelles au moins une ou deux choses ? J'ai fait un combat contre les chiens. D'accord. Et il faisait quoi comme métier avant d'être aventurier ? Ping, ping, ping. Est-ce qu'il était forgeron ? Oui. Oui, c'est ça. Donc, il a vécu des choses avant ses aventures, quoi. Donc, c'est bien que ton personnage ait une quête personnelle, hein, ça me paraît évident. Mais après, il faut quand même toujours vérifier qu'il y ait de la place. MJ bah, n'a que des séances courtes à proposer et qu'il a déjà que MJ a déjà un scénario bien dense, bah, peut-être qu'il vaut mieux pas faire de quête personnelle plutôt que d'en faire une et puis de se retrouver frustré parce que MJ n'est pas en capacité de te la faire jouer. Donc ça, c'est toujours à voir avec MJ et même éventuellement avec le reste de la table. Je me répète, mais bon, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de, surtout si ton personnage a la profondeur, c'est de, sans en faire un Dark Sasuke, hein, mais de rajouter un petit peu de mystère. Hein, c'est-à-dire, ne divulgage pas tout de suite tout ton personnage, quoi. garde un petit peu des révélations sous la pédale que tu vas un petit peu apporter comme ça de temps en temps, quoi. Ça va faire plaisir à la table de découvrir au fur et à mesure que ton personnage il a une épaisseur insoupçonnée et qu'il a peut-être, au début tu crois, ah mais en fait t'es un traître parce que tu appartiens à la guilde des voleurs et tout. Mais on va comprendre plus tard qu'alors du coup l'adversaire je fais ah, et puis plus tard on va comprendre que oui il appartenait à la guilde des voleurs mais il en est parti, il a voulu changer de vie et tout. Et voilà, on met les choses, on distille les choses au fur et à mesure. Et utilise ton personnage aussi, j'ai parlé de personnage outil pour explorer le monde. Tu poses comment pose ton personnage, il peut poser des questions au PNJ, il peut demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de la ville, il peut dire bah tiens moi je vais aller explorer tel endroit, je veux en savoir plus sur tels arcanes et tout. Donc c'est vraiment un super outil d'exploration et ça fait partie des choses que ton personnage peut faire. Bon voilà, c'était des conseils, bien sûr ça a été évidemment ultra personnel. Victor, est-ce qu'on on va dire au revoir, donc il faut qu'on dise aux gens mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche. Vas-y, tu dis. Mettez commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche. Salut, ciao, on fait des gros bisous. Bisous, papillon. Allez, ciao, ciao. Eh ben super. C'est bien ? Ouais, maintenant il faut qu'on.